Mes vacances en Grèce? Ouais, sympa, ouais. Super. Merci. Bon, on a vu le soleil, oui, on peut dire ça. Les gens? Super sympa. Surtout le patron du garage. Je te raconterai. Thérèse? Non, je la vois plus. Non, je sais pas, à cause d'une histoire ridicule, mais... Je te raconterai. Elle était pourtant bien accrochée à l'arrière du scooter. Nous étions beaux, le teint hâlé. Le soleil se jetait dans la mer, moi, je me serais jeté à ses pieds. Même sans l'aide du virage, même sans l'aide du scooter, même sans l'aide du chat noir, même sans l'aide du gravier. Je crois que ça a foutu un peu l'ambiance en l'air. Je crois que c'est là que tout a basculé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? À part ça, je vois pas. Parce qu'il y a eu ce putain de virage. C'est là qu'elle m'a dépassé. C'était pas du tout prévu que son visage vienne s'écraser sur la chaussée. Mais s'il n'y avait pas eu ce dérapage, que je dois dire, parfaitement incontrôlé, et s'il n'y avait pas eu ce paysage, j'aurais bien vu qu'il fallait tourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? À part ça, je vois pas. En plus, on était presque arrivés à la plage. Ça faisait au moins 200 mètres qu'on roulait. Je vous explique pas le carnage. Elle avait du sang, de la tête aux pieds. Mais je me suis dit, cette fille, elle a du courage. Ça n'empêche pas de brailler. D'ailleurs, elle m'a dit, connard, appelle le garage. On va peut-être pas aller à l'hosto à pied. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, fini les coquillages et les balades sur la jetée. Faut dire qu'avec ses plaies et ses bandages, il était plus question de se baigner. Je pensais pas que notre premier voyage serait en même temps le dernier. Moi, je rêvais de la demander en mariage. Elle rêvait de rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vraiment, je vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vraiment, je vois pas. Non, vraiment, je vois pas.